Hélène Ourgan, des contes de Noël. Lu par Sabine, avec l'aimable autorisation de l'auteur. Trouver une blouse, fastoche. Il y en a qui traînent parfois sur des porte-manteaux dans les bureaux. Avec la blouse blanche, on peut circuler comme on veut dans l'hôpital. D'ailleurs, même en tant que visiteur, on va presque où on veut. C'est un vrai moulin. Le personnel, les visiteurs, entrent, sortent. Personne ne sait d'où vient ni où va ce flux humain permanent. J'ai donc exploité un tas d'endroits, j'ai fait des repérages. Bon, c'est vrai, à 17 ans, je ne suis peut-être pas crédible comme interne. Mais avec un peu de maquillage, des lunettes, un grand sourire et la politesse face à des regards un peu suspicieux, c'est passé. Lundi soir, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'action. J'arrive à 21 h. Je sais qu'à ce moment-là, le personnel sera occupé. Dehors, il fait nuit, c'est l'hiver, les couloirs sont déserts. J'ouvre la première porte de chambre à la maternité. J'ai une excuse toute prête au cas où. La mère me croira, on fait confiance aux blouses blanches. La chambre est plongée dans le noir, elle dort déjà. J'appelle doucement. « Madame, madame !» Le silence me répond. L'étiquette sur le berceau est bleue. Chance, c'est un garçon. La configuration de la chambre m'avantage, le berceau à roulette est assez près de la porte. Je l'attrape, je le fais rouler silencieusement, et je parcours calmement le couloir jusqu'à la porte du service. Je n'ai croisé personne. Dans la chambre, rien n'a bougé. Je presse le pas, je me dirige vers les toilettes du hall où j'avais caché mon matériel. Je dépose délicatement le bébé dans le grand sac de voyage, aménagé en berceau avec quelques épaisseurs de petites couvertures moelleuses pour la circonstance. Je quitte ma blouse, enfile mon blouson, et je sors le sac à la main. J'ai pris la précaution de ne pas refermer entièrement la fermeture éclair pour que le petit puisse respirer. Pourvu qu'il ne se réveille pas. Mais non, tout se passe sans encombre. J'arrive à la maison sans problème. Maman est toujours assise en tailleur sur son lit. Je crois qu'elle n'a pas bougé depuis mon départ. Elle se balance doucement d'avant en arrière, comme d'habitude. Je sors le bébé du sac et je le tends à ma mère. Il s'est réveillé, il émet des petits bruits, agite ses petites mains et fait de petites mimiques. Il est joli comme tout avec son petit duvet brun sur la tête et sa peau rose. Je suis satisfaite, le hasard a bien fait les choses. Tiens, maman, c'est le nouveau petit Jésus. Son regard s'illumine, elle cesse son balancement et murmure. Pourtant, c'est pas encore Noël. Non, maman, mais c'est bientôt, il reste 9 jours. Et puis, tu sais bien que ce n'est pas la vraie date de naissance, le 25 décembre. Elle serre l'enfant contre elle, ravie, et le dévore des yeux. Alors, tu vas l'appeler comment, ton bébé, maman? Mais Jésus, voyons. L'expression de son visage et le ton employé reflètent l'évidence. Bien sûr, maman. Je vais préparer son biberon, je reviens. Maman, je plaisantais. C'était une façon de te présenter mon cadeau avant Noël. Mais j'avais oublié que tu ne peux pas comprendre l'humour comme tout le monde. Ton univers est hors norme. Tant pis, il s'appellera Jésus. J'aurais préféré Benoît, mais je ne vais pas te contrarier maintenant. C'est maman qui lui donne le biberon. J'avais tout prévu. J'avais acheté le lait, les couches, quelques vêtements, bien des semaines auparavant. En faisant mes courses dans plusieurs grandes surfaces, j'ai payé à chaque fois en liquide. Personne n'a fait attention à moi. Les caissières se contentent de passer les articles au lecteur de code-barre et d'encaisser l'argent. Je ne suis pas certaine que l'une d'elles soit en mesure de me reconnaître. Pour le matériel comme le lit, la baignoire et autres objets indispensables au confort d'un bébé, nous avions déjà tout ce qu'il faut, fourni par les associations caritatives pendant la grossesse de maman. Oui, c'est ça le drame. C'est ce qui a fait replonger maman plus profondément dans sa maladie. Son bébé, mon petit frère, est mort à la naissance. J'en ai assez de voir maman malade. Cela dure depuis que je suis petite. Quand elle ne va pas trop mal, elle me dit que je suis débrouillarde. Bien obligée. Quand on a une mère qui oublie de faire les courses, qui oublie de faire à manger ou de laver le linge. Ce n'est pas de sa faute. Elle est parfois plongée des jours et des jours dans un monde intérieur étrange. Le regard dans le vague, elle se balance d'avant en arrière, et si je la nourrissais pas, elle se laisserait mourir de faim. Parfois aussi elle est très excitée. Elle quitte la maison et je ne la revois plus pendant plusieurs jours. J'en ai marre d'aller habiter chez mes grands-parents à chaque fois qu'elle est hospitalisée ou à chaque fois qu'elle disparaît. Ils n'aiment pas ma mère. Ils ont honte de leur fille. Ils me recueillent chez eux par devoir et on ne les voit jamais quand les choses ne se passent pas trop mal. Ils ne savent que prier pour que ma mère guérisse. Une fois, ils nous ont même emmenés toutes les deux à Lourdes. J'étais petite. J'y croyais. Ils m'avaient persuadé que maman reviendrait guérie. J'ai attendu des semaines, guetté les effets de l'eau miraculeuse et des prières. Et puis rien, bien sûr. Je ne veux plus les voir. Les premières années de ma vie, ils m'ont élevée par obligation. Maman était incapable de prendre soin d'un bébé. Ils se sont occupés de moi sans tendresse. Ils ont fait leur devoir de grands-parents. Quand maman est tombée pour la seconde fois enceinte, ils se sont fâchés. Ils lui ont dit que moi et ce bébé, on était le fruit du péché. Ils ont dit qu'on ne fait pas des enfants sans être marié, qu'on ne couche pas avec le premier venu. Ils ont dit que c'est à cause de ça que maman est malade. C'est une punition de Dieu. Quand j'étais petite, j'entendais régulièrement ma grand-mère parler de cette histoire de fruit du péché. Je croyais alors que j'étais née dans une pêche. J'ai longtemps refusé d'en manger de peur d'avaler un bébé. Mais en attendant, pendant sa grossesse, je ne l'ai jamais vue aussi bien. Elle était belle, apaisée. Plus son ventre s'arrondissait, plus son état psychique semblait s'améliorer. Je me disais que je l'aiderais à élever l'enfant, qu'on serait enfin heureux à trois. Je croyais que cette naissance allait la guérir, bien plus sûrement que les prières fanatiques de ses parents. Et puis l'accouchement s'est mal passé. Je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé, mais le résultat en a été dramatique. Je n'ai pas eu ce petit frère tant attendu. Maman est rentrée à la maison, le ventre vide, les bras vides. Depuis, elle passe le plus clair de son temps assise en tailleur sur son lit, à balancer d'avant en arrière sa peine infinie. J'installe le petit lit à barreaux près de celui de maman et je me prépare une couche sommaire de l'autre côté du petit lit. Je change le bébé et je lui enfile un des pyjamas que j'avais acheté pour lui. Il est bleu rayé de blanc et je trouve qu'il lui va mieux que le pyjama jaune qu'il portait auparavant. Il est mignon dans son sommeil. Il s'est endormi avec une goutte de lait au coin de la bouche. Je couche le petit dans son lit. Maman a passé sa main entre les deux barreaux et tient délicatement sa menotte. Elle s'endort apaisée. De l'autre côté, le sommeil m'emporte rapidement. Cette soirée m'a épuisée nerveusement. Le visage détendu de maman m'accompagne dans mes rêves. Le lendemain, je me lève tôt. Il faut que j'aille au lycée pour donner le change. Rien ne doit paraître anormal dans les jours qui viennent. C'est le meilleur moyen pour ne pas attirer l'attention sur moi. Avant de partir, je prépare le prochain biberon. Je réveille maman pour lui expliquer où sont les couches et les vêtements, le lait en poudre. Elle m'écoute attentivement en souriant. Son regard heureux me donne confiance. Je suis sûre que tout se passera bien. Je prends le chemin du lycée, le cœur léger. J'ai bien fait. J'ai très bien fait. Elle va guérir, et si je m'occupe avec elle du petit frère, elle n'aura pas de difficulté à l'élever. Ce ne sera pas comme pour moi. Les grands-parents lui ont imposé, de concert avec les médecins, de se séparer de moi au lieu de l'épauler, de la seconder. J'ai envie de danser, de chanter dans la rue, de crier mon bonheur. Jésus est arrivé, il est chez moi, c'est mon petit frère. Je me contiens, je souris, béate. La journée est longue, je peine à écouter les cours, mon esprit s'envole constamment vers l'appartement. Je suis impatiente de les retrouver. Enfin, je peux quitter le lycée, rentrer à la maison. Je marche le plus vite possible, envahie par la joie de les retrouver. Je m'imagine lui donnant le bain, puis le biberon. Il ferait ses jolis petits bruits en buvant goulûment. Et enfin, maman le bercerait pour l'endormir. J'ouvre la porte, personne dans le salon, personne dans la salle de bain, personne dans la cuisine. J'entre dans la chambre de maman et je la vois assise sur son lit, Jésus dans les bras. Elle chante une sorte de mélopée en se balançant d'avant en arrière comme à son habitude. Le bébé me paraît bizarre. Il a l'air tout mou. Sa peau est presque transparente. un de ses bras pend, sa tête ballotte doucement, au rythme du balancement de maman. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Je l'interroge de loin, je n'ose pas l'approcher. « J'ai peur, j'ai mal au ventre. » Elle marmonne. « Y a rien ?»« Maman, qu'est-ce qu'il a, le bébé ?» L'angoisse m'étreint, je n'ose pas m'avouer la seule réalité possible. « Maman, réponds-moi, qu'est-ce qu'il a ?» J'ai presque crié. « Mais il dort, tu vois bien qu'il dort. Tais-toi, tu vas le réveiller. » J'avance doucement vers elle, il faut que je sache. Mes mains tremblent. Je tente de lui enlever le bébé des bras, je sens qu'elle s'oppose. Ma crainte se confirme, il est mort. Jésus est mort, elle berce un cadavre. Je tombe à genoux devant elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Maman, il est mort ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Maman, réponds-moi, il était malade ? Elle me regarde à la fois irritée et surprise, elle ne répond pas. Dehors, il commence à faire sombre. Il ne va pas tarder à faire nuit. Cette noirceur envahit mon cerveau. Le malheur étend à nouveau ses bras sur nos épaules. Elle n'a pas pu. Maman ne peut pas s'occuper d'enfant. Elle l'a laissé mourir ou... Non, mes pensées s'entrechoquent, se chevauchent. Est-ce qu'elle va me le dire ? Il faut qu'elle m'explique. Maman, dis-moi ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Fait ? Fait ? J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Rien fait. Rien fait. Rien Elle répète ces deux mots en chantonnant doucement, perdue dans son délire. Rien fait. Je comprends que je n'obtiendrai aucune réponse sensée. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai volé un bébé. Je viens brusquement de prendre conscience de mon geste. Je l'ai volé et il est mort par ma faute. Il aurait été avec sa vraie mère. Un médecin l'aurait vu, il serait guéri. À moins que... Non, maman n'est pas capable de s'occuper d'un bébé, mais c'est tout. Maman n'a pas... Je voudrais revenir en arrière, que tout ça n'ait jamais existé. Je me repasse le film de chacun de mes gestes ce soir-là. Je voudrais les annuler. Je m'imagine remettant le bébé dans son berceau, refermant la porte de la chambre et quittant l'hôpital. Je me fais un tas de scénarios. J'ouvre la porte, la mère crie, appelle, on m'attrape, on me sort du service. Ou alors, je suis dans le couloir, quelqu'un arrive, me voit et m'empêche de partir avec le bébé. Je ne sais même pas son vrai prénom. Je n'ai pas regardé l'étiquette bleue du berceau. Je pense à la véritable mère. Je l'imagine se balançant d'avant en arrière, comme je vois faire la mienne à ce moment. Je ressens la douleur infinie de cette femme sans son enfant. Je ressens celle de ma mère. Je suis anéantie, je ne sais plus quoi faire. Si je me dénonce, je vais aller en prison, et maman va retourner à l'hôpital. Elle sera prisonnière de ses murs, prisonnière des médicaments, sans personne pour l'entourer, la cajoler. Je la vois qui s'allonge, installe le bébé contre elle et s'endort. Je finis par m'endormir aussi, épuisée. Mais ma nuit est peuplée de cauchemars. C'est la sonnette stridente et répétitive qui me sort brutalement du sommeil. Il fait encore nuit dehors, il est donc très tôt. Je regarde vers maman, elle ne s'est pas réveillée. J'émerge lentement, trop lentement sans doute. J'entends tambouriner contre la porte, une voix masculine furieuse crie « Ouvrez, police !» Je me lève, me dirige vers la porte. J'ai à peine le temps de déverrouiller qu'ils entrent déjà. « Mademoiselle Mongin ?»« Oui. » Je réponds d'une toute petite voix. Je sais pourquoi ils sont là. L'un d'eux reste avec moi, il me passe les menottes. Les trois autres visitent l'appartement. Ils arrivent vite à la chambre de maman, ce n'est pas bien grand. Un cri fuse, ils l'ont tiré brutalement de son sommeil lourd. Elle doit avoir peur. J'entends le grésillement d'un talkie-walkie, des échanges de phrases. Ils doivent parler du bébé. Je me sens anéantie, dans l'impossibilité d'aider maman. Des torrents de larmes coulent sur mes joues. Ils vont l'emmener à l'hôpital, c'est sûr. Et pour moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'ai peur de me retrouver en prison. Mais comment ont-ils su ?